Bismillahirrahmanirrahim. Sanadkhulu al-yawm fi babin jadid. Wa huwa wujub al-tumanina fi ruku' wa sujud. Nouveau chapitre qui est celui de l'obligation de la quiétude. De faire les choses, c'est-à-dire avec apaisement lors de l'inclinaison et de la prosternation. Que en réalité, cela est dans toute la salat. Et car Cheikh Othaymine rahimahullah ta'ala lui dit par rapport à cette quiétude, cet apaisement, que le musalli, quand il fait la salat, il se tient debout devant Allah Azzawajal. Donc il doit le glorifier. Et il doit, yani le yusabbihuhu, yani le purifier de tout défaut, et l'invoquer. Et il va faire des gestuels, des gestes, de différentes sortes, qui sont des ibadah, qui sont toutes rassemblées en un seul mot qui s'appelle salat. Donc il ne convient pas, à ce moment-là, de le faire à la manière d'un corbeau, d'accord, ou de le faire comme une chose qui est lourde dont il veut se débarrasser. Ce qui lui revient, justement, c'est de faire preuve de quiétude, d'apaisement, de le faire correctement et concentration, car c'est là qu'il va trouver, justement, les faraouis de la salat, comme les ont enseigné Allah et son messager. Trouver les bienfaits de la salat pour l'akhira et pour la dunya. Et qu'elle sera un plaisir pour lui. Et qu'elle sera une cause justement qui va effacer ses fautes. Et qu'elle sera une cause qui l'éloignera des turpitudes et du blâme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il la fasse correctement. Sans quoi, il ne trouvera pas ses favorites-là ou certaines d'entre elles. Fayaqulu fil hadith al-thalith wa tis'in. 93e hadith. An Nabi Hurayra, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-masjid. ودخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إن قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ثم اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Son Abu Huraira رضي الله عنه. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est entré dans le masjid. Puis un homme est rentré après lui et s'est mis à faire la salat. Ensuite il est venu et en passant le salam au Nabi صلى الله عليه وسلم qui lui a rendu le salam. Et le Nabi lui a dit retourne faire la salat car tu n'as pas fait la salat. Donc l'homme est retourné. Et il a refait la salat comme il a fait la première fois. Ensuite, il est revenu, parce que le salam au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a rendu. Dans le hadith, ce n'est pas cité, mais dans le love des sahihin, il y est, le fait qu'il lui a rendu le salam. Et le Nabi sallam lui a dit la même chose, retourne faire la salat, car tu n'as pas fait la salat. Trois fois, il lui a dit. Après, l'homme lui a dit, je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité, je ne sais faire autre que celle-ci, c'est-à-dire la salat qu'il faisait. Donc, enseigne-moi. Il lui a dit, si jamais tu te lèves pour faire la salat, alors fais le takbir. Ensuite, récite ce que tu peux du Coran. Ensuite, incline-toi, sois ce que tu sois, apaisé, incliné. Ensuite, relève-toi, sois ce que tu sois bien droit. Ensuite, prosterne-toi, sois ce que tu sois, apaisé, prosterné. Ensuite, relève-toi de la prosternation, sois ce que tu sois, apaisé, assis. Et fais cela en toute ta salat. C'est-à-dire, à chaque rak'a, tu agis de la sorte. Quand je dis apaisé, je veux dire mutma'in, yani tuma'nina. C'est comme ça que j'ai trouvé comme traduction sur le moment. C'est-à-dire, tu fais la chose pas trop rapidement. D'accord? Concentré. Donc, yaqul fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen, al-Rawi, le rapporteur c'est Abu Huraira, radiallahu anhu, dont on a déjà parlé auparavant, le tarjama. Donc, le prénom c'est Abdurrahman ibn al-Sakhar, à la sahih. Yaqul mawdou' al-hadith, le sujet du hadith, c'est bayan hukm al-salat. C'est quoi le jugement de la salat qui a été faite sans apaisement, sans quiétude. Donc dans le Sharh Ijma'i global du hadith, il dit يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده ذات يوم فجلس. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم est rentré un jour dans le masjid, puis s'est assis. فدخل رجل وهو خلاد بن رافع فصلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها. Puis un homme est rentré, cet homme il s'appelle Khalad ibn Rafi', c'est le nom de ce sahabi. Et il a fait une salat légère, sans quiétude. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما انتهى من صلاته جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم le regardait, et lorsqu'il a fini sa salat, il s'est rendu auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم et lui a passé le salam, qui lui-même lui a rendu. Et après, il lui a dit, retourne faire la salat quand tu n'as pas fait la salat. فرجع رجل يعني خلاد فصلى مثل صلاته الأولى صلاة لا يطمئن فيها، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Donc deuxième fois, l'homme a refait la salat, puis il est revenu auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم. Il lui a passé le salam. Le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a rendu le salam. Il lui a dit retourne faire la salat quand tu n'as pas fait la salat. فعل ذلك ثلاث مرات ليتذكر إن كان ناسيا أو يشتد شوقه في العلم كنا جاهلا فيكون أدعى لقبوله أرسخ للعلم في قلبه. Donc il a dit ça cela trois fois, ça va se répéter trois fois. Et cela en guise de quoi? De lui rappeler si il a oublié. C'est-à-dire il sait, mais il a oublié, donc au bout de trois fois tu vas te rappeler c'est quoi l'erreur qu'il faut corriger. Ou alors il a dit pour que son envie soit plus grande de pouvoir apprendre. Si il l'ignorance, il ne sait pas, au bout de trois fois il va vouloir savoir. Pourquoi je n'ai pas fait la salat, c'est comment? Car cela, justement, est plus, s'ancrera mieux dans son cœur. Et acceptera mieux la chose qu'elle voudra vraiment, la désirera vraiment à quart d'heure. Donc là, c'est ce qui s'est passé. فَأَقْسَمَ الرَّجُلُ بِالَّذِي بَعَثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُصِلُ الصَّلَاةَ غَيْرَ هَذَا الْوَجْهِ وَطَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَلِّمَهُ فَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc l'homme, après par cela, a juré par celui qui a envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par la vérité. Il s'agit d'Allah azawajal, car on ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms ou par ses sifats, ses attributs. Et en lui disant qu'il ne sait pas faire la salat autrement. Donc il a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui enseigne comment la faire. فَأَمَرَهُ النَّبِي sallallahu donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. فَأَمَرَهُ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يرفع حتى يعتدل ويطمئن قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يطمئن جالسا ثم يسجد حتى سجدة الثانية حتى يطمئن ساجدا ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a ordonné que si jamais il se lève pour faire la salat, c'est-à-dire cet homme, qu'il fasse le takbir, ensuite qu'il lise ce qu'il peut du Coran, ensuite qu'il s'incline, c'est-à-dire qu'il soit apaisé en étant incliné, après il se relève, c'est-à-dire qu'il soit bien droit, et toujours apaisé. Ensuite, il se prosterne, jusqu'à ce qu'il soit apaisé, prosterné, c'est-à-dire il reste un temps, il ne se précipite pas. Ensuite, il se relève de la prosternation, il reste assis un temps apaisé. Ensuite, il se reprosterne une deuxième fois, wa kaza. Et il fait cela durant toute sa salat. Naam. Il yaqul fi fawaid al-hadith, enseignement du hadith, anna salata bidun tumanina batilatun. La tubara biha dhimma wa tulzam i'alatuha. Que la salat sans quiétude, sans apaisement, elle est invalide. Et qu'elle n'est pas, tu ne t'en es pas déchargé dans le fait que tu dois quand même, c'est-à-dire elle est comptée comme toi, comme étant, comme n'ayant pas été faite. Elle est toujours sur toi, tu la dois, comme on dirait. Et tu dois la recommencer. Car celui qui fait une salat comme ça, et après il s'en va, c'est comme s'il n'a pas fait la salat, donc il doit toujours la faire. C'est comme s'il ne l'avait pas faite. Il n'est pas excusé. Sauf s'il avait été ignorant et qu'on ne l'a pas enseigné. Thaniyan, wujub takbirat al-ihram bi lafz Allahu akbar wa rukn la tanqid as-salat bidunha. Ensuite, il est obligatoire de faire le takbir de l'ihram d'ouverture en disant Allahu akbar. Et cela est un pilier sur lequel la salat ne peut se tenir, ne peut être rendue valide. Et la tu'manina également, l'aptitude, l'apaisement, la quiétude, c'est un pilier de la salat. Troisièmement, wujub qira'at ma tayassara min al-Qur'an wa hiya ruknun tata'ayyan al-Fatiha liman yuhsinuha liqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la salata liman lam yaqra bi umm al-kitab. Qu'il est obligatoire de réciter al-Fatiha, c'est le minimum à réciter. D'accord? C'est obligatoire pour chacun, pour celui qui préside la salat, pour celui qui présidait à chaque rak'at. Pour celui qui peut la réciter. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par salat pour celui qui n'a pas appris la mère du livre, c'est-à-dire al-Fatiha. Umm al-Qur'an, la mère du Qur'an qui est Al-Fatiha. Ce qui fait que chaque personne qui rentre en islam, c'est le minimum qu'il doit apprendre en arabe, au moins c'est Al-Fatiha. Après les shahadatayn, d'accord, il doit apprendre Al-Fatiha obligatoirement. Rabi'an, wujub al-ruku' wal-qiyam minhu wal-sujud marratayn wal-julus baynahuma Waya arkan la tasah salatu bidouniha, qu'il est obligatoire justement de se prosterner, de s'incliner à Fouen. L'inclinaison est une obligation, dans le sens qu'il faut que tu la fasses, et également se relever après cette inclinaison, ainsi que la prosternation. Deux fois. Dans chaque rakat. Et l'assise entre les deux. Et ceux-là sont également des piliers sans lesquels la salat ne peut être valide. Donc on dit obligation, d'accord? Cela implique, ou plutôt quand on dit que c'est un pilier, ça implique qu'il est obligé de le faire. Après, il y a une différence entre l'obligation et le pilier dans la salat. Il y a une différence entre les deux. Khamisan, wujub et tuma'nina fi hadi al-arkan, wa hiya ruknun la tasah salat bidouniha. Et qu'il est kazalik obligatoire de faire preuve de quiétude d'apaisement dans la salat, et que ça fait partie des piliers de cette salat sans laquelle elle ne serait pas valide. Ça dit ça, wujub et tartib, mena hadi al-arkan, qiyam, summa takbira, summa qira'a, summa ruku', summa qiyam ba'dahu. L'obligation, justement, de suivre l'ordre cité de ces piliers, qui est d'abord le fait d'être debout. Quand tu fais la salat, tu es debout. Ensuite, tu fais le takbir. Ensuite, tu lis le Coran. Ensuite, tu t'inclines. Après, tu te tiens debout. Summa sujoud. Summa julus. Summa sujoud. Après, tu te prosternes. Après, tu t'assois. Après, tu te prosternes. Mara ukhra. Wa huwa rukn la tasah salat bidounihi. Et que cela est un pilier sans lequel la salat n'est pas valide. L'ordre, suis l'ordre cité dans le hadith. سابعا أن هذه أركان ثابتة في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام فهي ركعة الأولى فقط. Et que justement, ces piliers sont des choses qui sont sûres dans chaque rakat. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité ce qu'il devait faire cet homme, dans chaque rakat, il recommence. Hormis le premier takbir. Celui-ci n'est qu'en ouverture de la salat. Il n'y a que lui qui se fait qu'une seule fois dans la salat. Les autres takbirat qui sont faites par la suite, d'accord, ne sont pas des piliers. ثامنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في طريقته وتعليمه وفي طريقته تعليمه ce qui montre le bon comportement du Nabi صلى الله عليه وسلم et sa sagesse dans sa façon, dans sa méthodologie, dans sa façon d'enseigner, dans sa pédagogie. تاسعا مشروعية تكرار السلام لمن قام من المجلس ثم أعاد qu'il est légiféré justement de répéter le salam pour quelqu'un qui est parti d'une assise, qui est revenu. Tu es avec des gens, d'accord, tu te rends près d'eux, ils sont assis entre eux, tu leur passes le salam et te le rends. Si jamais tu t'en vas, même si tu n'es pas trop loin et tu reviens, tu peux leur repasser le salam, comme le démontre ce hadith. Wallahu ta'ala alam, wa bi dhalika naktafi, wa alhamdulillahi rabbil alamin.